Mickey, Meloman, 2010. Ah. Le temps passe tellement vite qu'aujourd'hui je vous invite à partager quelques minutes de pause dans ma vie. J'ai même pas eu l'occasion de voir ma rose, cet temps-ci le cœur morose. Contraint à se dire c'est triste mais c'est ainsi. Se voir au moins deux fois en 2010 sera ma première résolution du nouvel an et plus encore je l'espère. 11 ans qu'on se connaît, pour tous ceux qui ne seraient pas, tu représentes pour moi l'amitié avec un grand A. On ne comptera pas toutes les lettres qu'on s'est envoyées. Toi-même tu sais que la distance peut nuire gravement à la santé. Tu as été ma confidente durant toutes ces années. Par ton écoute et tes conseils, par ta présence tu m'as aidé. Les liens qui nous attachent ne céderont jamais. Tout simplement parce que je t'adore trop fort, tu le sais jamais. Je pense pas que tu te rends compte à quel point tu vaux de l'or. Je pense pas que notre rencontre soit qu'un léger coup du sort. Si jamais t'as besoin un jour de vraiment n'importe quoi, ne cherche pas pendant 3 ans, n'hésite pas, pense à moi. Plus tard j'espère de tout cœur que nos vies se rapprocheront. En attendant dans mon cœur, t'es dans la tête du peloton. Si jamais t'as besoin un jour de vraiment n'importe quoi, ne cherche pas pendant 3 ans, n'hésite pas, pense à moi. Plus tard j'espère de tout cœur que nos vies se rapprocheront. En attendant dans mon cœur, t'es dans la tête du peloton. Le temps passe tellement vite qu'on approche bientôt des 3 ans. Mon amour pour toi ma chérie n'est que croissant. Notre vie à deux, avec impatience je l'attends. Je l'avoue je suis amoureux, à mon avis ça s'entend. Et ça doit se voir aussi car quand je te vois mes yeux pétillent. Peu importe les autres filles, je les vois même plus tellement tu brilles. T'es toujours plus belle que la veille. Et si un jour ça change, pour mon cœur ce sera pareil. Tu es la femme de ma vie, quoi qu'il arrive dans l'avenir. J'aimerais simplement te dire je t'aime à la folie. J'aimerais pouvoir exprimer tout l'amour que j'ai pour toi. Imaginer te perdre un jour serait une agonie. Plus tard je vois une robe blanche, te vois en Madame France. Et plus tard je vois des enfants, un bonheur omniprésent. Et même si le tonnerre gronde de temps en temps sur nous, rien de plus normal car tout est parti d'un coup de foudre. Je t'aime plus que tout, tu sais, parfois je me dis que c'est fou. Tu sais, les années passent, l'as trop vite, c'est bien mais c'est catastrophique. Alors j'espère bien profiter avec toi de la vie future, dans tes bras, dans tes bras. Je t'aime plus que tout, tu sais, parfois je me dis que c'est fou. Tu sais, les années passent, l'as trop vite, c'est bien mais c'est catastrophique. Alors j'espère bien profiter avec toi de la vie future, dans tes bras, dans tes bras. Le temps passe tellement vite, à première vue on ne fait pas gaffe. Mais quand je vois le frangin grandir, c'est à ce moment que je me prends une baffe. Qui depuis tout petit rêve un jour de pouvoir me dépasser. Au fil des années, l'écart ne fait que s'effacer. Mais peu importe ta taille, tu seras toujours le petit frère. Celui dont je suis fier, pour qui je bouge le ciel et terre. Sache que je serai là si ça va pas, si ça va pas. La main tendue vers toi, donc n'hésite pas, n'hésite pas. Je ne serai jamais loin même si je pars de chez nos parents. Ne t'inquiète pas, la distance pour nous sera transparente. Rien ne pourra faire en sorte que j'oublie mon frère. À mon avis chaque semaine ce sera plutôt le contraire. C'est pas 10 ans d'écart qui vont nous casser les couilles. Égare à tous ces soi-disant lascars s'ils t'embrouillent. Méloman ne sera pas là pour leur conter de belles paroles. Nico juste là pour effectuer son rôle. Je serai toujours là pour mon petit frère. Même quand tu voudras pas, faudra bien t'y faire. Je serai toujours là, juste posé derrière. Juste posé derrière, juste posé derrière. Je serai toujours là pour mon petit frère. Même quand tu voudras pas, faudra bien t'y faire. Je serai toujours là, juste posé derrière. Juste posé derrière, juste posé derrière. Le temps passe tellement vite que j'ai vraiment du mal à croire qu'il y a quelques années on avait bien du mal à se voir. Inutile de rappeler, chaque souvenir m'a martelé la tête, donc gardons-les enfermé dans le passé. Et j'ai donc la clé car maintenant c'est le grand amour. SCC sister, je t'aime jusqu'à la mort. On en rigolera plus tard quand on verra nos gamins se chamailler comme on l'a fait, sachant qu'au bout du chemin la réconciliation sera plus forte que jamais. Le même sang coule dans nos artères, je n'oublierai plus jamais. Et j'aimerais dire à tous les grands frères comme moi, prenez soin de vos frères et sœurs chaque jour de chaque mois. Le temps passe à toute allure, petite fille rien que tout à l'heure. À présent regarde l'allure, la classe était majeure. Ça c'est ma yo-yo parfaite dans tous les styles. Une femme qui se dessine avec un petit côté des îles. Je serai toujours là là si t'as besoin de soutien. Je serai toujours là là si tu veux des soutiens. Je serai toujours là là pour n'importe quoi viens. Je serai toujours là là, je serai toujours là là. Je serai toujours là là si t'as besoin de soutien. Je serai toujours là là si tu veux des soutiens. Je serai toujours là là pour n'importe quoi viens. Je serai toujours là là, je serai toujours là là. Ok. Hey. Meloman. Hein. Y'a tellement de personnes à qui tu tiens énormément, à qui moi je tiens énormément. Mais on ne dit jamais, ou tellement rarement. Faut savoir que le temps passe vite, donc profitez pleinement. Eux, ce sont mes quatre anges, on peut dire les quatre personnes à qui je tiens le plus au monde. Tout simplement parce qu'au moment de ma vie, ils m'ont tous aidé, pour la plupart sans le savoir. Donc aujourd'hui, je leur dédicace ce son, en guise de merci. Merci Rose, merci chérie, merci Flo, merci Claire. All around the productions.